Comment diriez-vous « il est arrivé aujourd'hui » ? Hat. Attention, « arriver » est un verbe qui suppose un mouvement, donc quel plongeoir allez-vous utiliser ? Sein. Sein, oui. Alors, reprenons. « Il est arrivé aujourd'hui. » Er ist. Exactement. Er ist. Il est arrivé aujourd'hui. Er ist heute. Heute. Ankommen. Angekommen. Angekommen. Er ist heute angekommen. Il est arrivé aujourd'hui. Bien. Angekommen, parce que venir, c'est kommen. Et quand on plonge dans le passé, on trouve gekommen. Et donc, pour ankommen, comme an est un préfixe séparable, il suffit d'y accoler gekommen. On a alors angekommen. Er ist heute angekommen. Il est arrivé aujourd'hui. Comment diriez-vous « il serait arrivé aujourd'hui » ? Il serait Er wäre. Bien. Er wäre. Il serait. Er wäre heute angekommen. Bien. Er wäre heute angekommen. De même, la phrase « s'il était arrivé aujourd'hui » se dira Wenn er heute angekommen. S'il était. Vous êtes sur le plongeoir être. War. War est une forme du passé, mais je vous demande d'exprimer une hypothèse. S'il était arrivé aujourd'hui. Wenn er heute angekommen. Wäre. Wenn er heute angekommen wäre. Avec wäre, vous exprimez une hypothèse. Wenn er heute angekommen wäre. En français, « si » est suivi de « était » et non de « serait ». Alors qu'en allemand, il faut utiliser l'équivalent de « serait ». Comment diriez-vous maintenant « si j'avais été là, je l'aurais vu » ? Si j'avais, vous êtes sur le plongeoir « être ». Voyons, avant d'aborder la phrase, comment diriez-vous « j'ai été là » ? Ich bin. Bien, ich bin. Dort. Dort, oui, ou bien da. Sein. Gewesen. Bien. Ich bin dort gewesen. Ou ich bin da gewesen. Ich bin gewesen, c'est j'ai été. Et donc, j'aurais été là, se dira ich. Ich wäre dort gewesen. Ich wäre dort gewesen. En français, on dit si j'avais été là. Mais en allemand, après « si »,« wenn », on emploie automatiquement « wäre ». Donc, on dit « si je serais été là » avec « wäre ». Ainsi, comment diriez-vous « si j'avais été là, je l'aurais vu » ? Wenn ich dort gewesen wäre. Bien. Wenn ich dort gewesen wäre, je l'aurais vu. Attention. Wenn ich dort gewesen wäre, c'est la première idée de la phrase. Elle vient en première position et en deuxième position, il faut mettre le verbe. Oui, tout à fait. Et donc, vous devez inverser. Au lieu de « je l'aurais vu », vous direz « aurais-je vu cela ?» Hätte ich es gesehen. Oui. Wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich es gesehen. Et maintenant, comment diriez-vous « je ne vous ai pas vu » car je n'étais pas là. Je ne vous ai pas vu. Ich habe sie gesehen. Je ne vous ai pas vu. Nicht gesehen. Bien. Ich habe sie nicht gesehen. Car je n'étais pas là. Denn ich war nicht da. Bien. Denn ich war nicht da. Car je n'étais pas là. Ou bien. Parce que je n'étais pas là. Weil. Weil ich nicht da war. Bien, weil ich nicht da war. Il existe encore un troisième mot pour dire parce que. Vous pouvez employer denn, car je n'étais pas là, denn ich war nicht da, ou weil, parce que, weil ich nicht da war. Mais vous pouvez également vous servir de da. Da, dans le sens de parce que. Da ich nicht da war. Dans cette phrase, « da » est employé deux fois, avec des sens différents. da ich nicht da war. Parce que je n'étais pas là. Même si vous n'utilisez pas vous-même da dans ce sens, il se peut que vous l'entendiez. Par exemple, dans parce que je ne le savais pas. Da ich es nicht wusste. Da ich es nicht wusste, c'est la même chose que weil ich es nicht wusste. Ou encore, denn ich wusste es nicht. Remarquez qu'avec da, on retrouve la même construction de phrase qu'avec weil, où le verbe vient à la fin de la phrase.